Quatrième partie. L'année 1388 vit terminer les affaires de Lituanie. Tranquille de ce côté, Ladislas voulut retourner à Cracovie et le proposa à Edwige. Toujours soumise à la volonté de son maître et seigneur, elle consentit au retour, avec cette impassibilité, d'ailleurs compagne d'une grande et solennelle douleur, qui ne peut reconnaître une émotion en dehors d'elle-même. Comment êtes-vous aussi indifférente pour les lieux que vous devez aimer bien au-delà de votre nouvelle patrie ? Lui dit un jour Jaglon, comme ils allaient arriver à Cracovie. Edwige le regarda avec étonnement. Jamais il ne lui avait parlé sur ce ton. Elle lui demanda l'explication de ses paroles. L'explication de mes paroles, madame, vous l'aurez à Cracovie. Edwige demeura confondu. Quelle pouvait être la cause de ce changement subi dans Ladislas ? Qu'avait-elle fait ? Rien qui pût blesser la plus sévère vertu. La plus exigeante des jalousies eût été paisible à côté d'un ange aussi pur. Elle se résigna à souffrir. « Ne suis-je pas né pour la douleur ?» se dit l'infortuné en joignant pieusement ses mains et les élevant au ciel. Ils arrivèrent à Cracovie. Ladislas, toujours plus sombre et plus farouche dans son humeur, ne disait rien à la reine pour lui rappeler les paroles sinistres du voyage, mais il la fuyait et paraissait réfléchir sur un grand projet. Edwige fut le trouver un jour dans l'intérieur de son appartement. « Monseigneur, lui dit-elle avec une dignité calme, vous m'avez dit quelques paroles amères que je ne crois pas mériter. Du moins, ma conscience est-elle pure de toute faute commise avec connaissance d'offense. Qu'avez-vous à me reprocher ? Ce que j'ai à vous reprocher, madame, et c'est vous qui me le demandez ? Lorsque votre amant déguisé vient jusque dans votre palais, et cela au milieu de la nuit ? Voilà donc la vertu de cette femme dont je ne prononçais le nom qu'à genoux. Elle m'a trompé, moi. » Edwige avait été légèrement émue au premier mot qu'avait prononcé Jaglon, mais ensuite elle devint pâle et tremblante. Une accusation aussi infâme quand l'infortuné se mourait de la peine concentrée, de cet amour réduit au silence et qui lui dévorait le cœur. Mais l'indignation prit bientôt la place de l'émotion. Elle se releva, la tête haute, et laissa tomber sur son mari un de ces regards accablants qui révèlent toute une âme innocente à un accusateur injuste. « Monseigneur, lui dit-elle avec un accent dont la froideur devait annoncer à Jaglon que désormais il ne trouva plus dans Edwige la tendresse qu'elle lui avait accordée. « Monseigneur, je vous demande, j'exige même, que vous me nommiez l'homme assez lâche pour avoir accusé sa souveraine et l'avoir flétrie par un mensonge. » Le roi parut interdit. Il ne répondit pas. Edwige le regarda avec une sorte de sentiment presque sévère, puis, sans renouveler sa question, elle ouvrit la porte de la grande salle du trône et appela les barons qui s'y trouvaient en ce moment. C'étaient Dimitri et plusieurs autres seigneurs polonais appartenant spécialement à la maison de la reine. « Mes seigneurs, dit-elle, le roi m'accuse d'avoir compromis son nom. Je le dis devant lui. Répondez, je vous permets de tout dire. Ai-je donc été ici une fille abandonnée du seigneur au point d'encourir le blâme de vos mères et de vos femmes ?»« Ah ! » s'écria Dimitri. « Ma sainte, mon honorée maîtresse !»« Tais-toi, mon vieil ami, » dit la reine, touchée du dévouement du vieillard. « Tais-toi, tu m'aimes, toi, et l'on pourrait croire qu'il y a prévention de ta part, que d'autres parlent. »« Ah, nous vous vénérons tous !» s'écria les barons en tombant à ses pieds. « Que faut-il faire pour prouver l'innocence de notre sainte reine ?» Ladislas se leva et jeta un regard sombre sur ces hommes prosternés aux pieds de Edwige. « Comment se fait-il donc » dit-il à Dimitri. Qu'un des hommes les plus en dignité dans la Pologne ait articulé sans certitude une parole contre l'honneur de la reine. Sa vie doit payer sa témérité s'il a menti. Son nom, monseigneur. Jaglon garda le silence. Son nom, monseigneur. Il continua à se taire. Monseigneur, dit Edwige, est-ce ainsi que vous administrez la justice en Lituanie? Vous accusez dans l'ombre et vous jugez, vous déshonorez au soleil. Mais le tribunal secret agit ainsi. « Le nom de mon accusateur, monseigneur, à l'instant même, je veux le savoir. » Edwige prononça ces derniers mots si fermement que le roi laissa échapper le nom de Gniebos. Les barons firent une exclamation, Edwige un geste de mépris. « Ainsi, c'est cet homme qui a osé ternir le nom d'une femme de bien. Cet homme qui possédait la confiance de mon fiancé et la mienne, lorsque je voulus un jour déposer cette couronne doublée d'épines pour l'échanger contre le bonheur. Il me tenait un autre langage alors. Mais il faut qu'il prouve son accusation. Où est-il, cet homme ? Les barons qui étaient présents voulurent jeter le gant devant Gniévoz. La reine leur défendit. « Ma cause est bonne, mes amis, » leur dit-elle. « Le fourbe n'osera pas soutenir mon regard. La vérité n'a qu'une voix, et c'est à elle seule se défendre. » Le castellan Tenkrinski s'avança alors vers le trône, et élevant la main, il offrit le combat à qui voudrait le soutenir contre lui, affirmant que l'honneur de la reine avait toujours été pur et sans tache. Le roi confondu gardait le silence. Gniévoz fut amené. En voyant la publicité que le roi avait donnée à sa calomnie, il pâlit et se troubla. « Pourquoi m'avoir calomnié ?» lui dit Edwige avec douceur. « Que vous ai-je fait ? Je suis innocente et vous le savez. Pourquoi blasphémer devant Dieu en accusant une femme, votre reine, d'un crime qu'elle n'a pas commis ?» Jaglon, en voyant la confusion de Gniévoz, fut au moment de lui plonger son poignard dans le cœur. Gniévoz reprit courage par l'excès du danger. Il releva sa tête abattue sous le poids de la honte et des malédictions que les barons faisaient entendre autour de lui. Il répéta son accusation. Mais ce fut d'une voix tremblante qu'il affirma que Guillaume était venu à Cracovie depuis le mariage de la reine et qu'il s'était introduit clandestinement dans le palais par son consentement et avec l'aide de Thérèse. Les yeux de Jaglon lançaient des flammes pendant ces paroles outrageantes. Edwige, calme comme l'innocence, ne parut pas effrayée de la colère de son mari. « Je ne suis pas coupable, » répondit-elle, « mais je veux un jugement, qu'on assemble des juges. Je veux que cette affaire soit éclaircie. »« Oh mon Dieu, » dit-elle intérieurement, « faut-il donc que je comparaisse comme une criminelle dans une cause pour laquelle je suis chaque jour victime offerte en holocauste par une nouvelle souffrance ?» Dimitri s'avança alors à son tour pour parler au roi. Son grand âge, la considération dont il était entouré, lui donnait le droit de parler avec plus de liberté qu'un autre. Il le fit avec feu et mit à ses paroles cet accent de vérité qui va chercher la persuasion dans le cœur le plus incrédule. Jaglon fut ébranlé. Son front devint plus calme. Toutefois, au nom de Guillaume, il reprenait l'expression farouche qu'il avait depuis quelques semaines. Ce nom faisait aussi une impression vive sur Edwige et ses joues devenaient pourpres en l'entendant prononcer. Les battements de son cœur soulevaient l'étoffe de sa robe et elle souffrait de cette douleur qui tue car il faut la cacher. Jaglon suivait d'un œil irrité les divers mouvements que révélait la physionomie mobile de Edwige. Il paraissait prêt à s'emporter de nouveau en voyant l'agitation de la reine au nom seul de ce rival qu'il détestait avec la violence de passion d'un cœur comme le sien, où la nature, encore primitive, conservait toutes ses sensations dans la force de leur sève et de leur jeunesse. Plus il aimait Edwige, plus son amour était exigeant et absolu. Il savait bien qu'elle avait aimé Guillaume, mais qu'elle l'aimait encore. Voilà ce que sa jalousie ne pouvait supporter sans qu'une pensée de mort ne vint à l'instant s'offrir comme moyen de vengeance. « Je serais heureux de le rencontrer. Ce beau Guillaume, » disait Ladislas, « je lui jetterais le gant, et s'il avait du cœur, il le relèverait, et alors, ce serait mon tour d'être vainqueur. « Monseigneur, » lui dit Edwige, « je demande le jugement des hommes et même celui de Dieu. Je suis innocente, mais puisqu'un reptile impur a laissé de la bave en souillure sur la couronne de Pologne que le royaume m'a confiée, il est de mon devoir de lui rendre son lustre et de prouver mon innocence. Je demande des juges. » Une diète fut convoquée à Wisleka en 1389. Cette diète fut solennelle par haute importance que la noblesse de Pologne mit à faire reconnaître l'innocence de sa reine. Il y avait en ce moment de crise une scission complète entre la Lituanie et la Pologne. Les barons qui, avant le mariage, étaient les plus mal disposés contre Guillaume, comparurent comme témoins pour certifier non seulement de l'innocence de Edwige, mais de l'honneur du duc d'Autriche. La reine parut à cette diète entourée de toute sa maison. Elle voulut elle-même plaider sa cause et le fit avec une admirable éloquence. Sa beauté pure et chaste, comme celle de la plus sainte des vierges, était animée en ce moment par l'indignation qu'elle éprouvait d'être dans l'obligation de se justifier. Tous les officiers de sa maison d'honneur, ses femmes, tout ce qui composait sa cour, affirma sous le serment que la reine était non seulement innocente, mais que jamais son honneur n'avait été soupçonné pendant le temps qu'elle avait passé en Pologne. Le castellan Tenkrinski s'avança dans le milieu de la salle et déclara que la reine était la plus vertueuse comme la plus sainte des femmes, et posant sa main droite sur les saints évangiles qui étaient sur une table, il offrit le combat pour soutenir son serment. 12 chevaliers suivirent son exemple. Gniévoz, altéré par la force de la vérité, voulut encore essayer de reproduire son accusation, mais les murmures de l'assemblée entière lui imposèrent silence, et Dimitri de Gorée, l'accusant à son tour d'avoir trempé dans le complot formé contre la vie du duc d'Autriche, pour demeurer possesseur des immenses richesses que le prince lui avait laissées en quittant Cracovie, il devint confus, et son silence acheva de convaincre les juges. Ils rendirent justice à la reine et proclamèrent hautement par un jugement solennel son innocence. Le même jugement condamna Gniévose au châtiment des calomniateurs. Ce châtiment était remarquable, et sa sévérité prouve que les temps que nous nommons barbares reconnaissaient mieux que le nôtre les vices qu'il fallait punir. Le Sénat prononça donc contre Gniévose une peine spéciale. Il fut conduit dans la salle même où siégeait le tribunal. Là, en présence de la cour assemblée et de sa souveraine outragée, il se coucha par terre sous un banc, puis il dit dans cette posture « Je reconnais que j'ai parlé traîtreusement contre la reine, ma vertueuse et chaste maîtresse. Je lui en demande humblement pardon. Et je reconnais qu'en agissant comme je l'ai fait, j'ai aboyé malhonnêtement contre une sainte princesse. » Après avoir dit ce peu de mots, il fut obligé d'aboyer lui-même comme un chien, et cela par trois fois. Tel était, à cette époque, en Pologne, le châtiment des calomniateurs. Jaglon, malheureux d'avoir soupçonné une femme comme Edwige, voulut revenir à elle comme par le passé. Elle l'accueillit comme elle savait le faire, car elle était parfaitement bonne et indulgente. Mais la blessure saignait encore. Elle ne pouvait consulter son cœur sans ressentir une vive souffrance. Ce n'était pas l'orgueil qui la faisait souffrir. Son âme était trop belle et trop pure. Mais être accusée, soupçonnée surtout, car la calomnie peut prendre toutes les voies, et le mépris lui répond. Mais le cœur sur lequel vous reposez votre tête, vous soupçonnez, c'est une douleur amère qu'une parole de repentir ne peut effacer. Le cœur généreux de la femme offensée peut bien pardonner, mais oublier, cela n'est pas en sa puissance. Toutefois, Edwige était si parfaite, son âme était si grande qu'elle pardonna. Mais l'injustice de l'homme qu'elle avait nommé son époux demeura dans son cœur par le souvenir, pour y introduire une douleur de plus. L'infortuné avait une vie dévouée à la souffrance. Des fêtes signalèrent son retour à Cracovie. Elle accepta cette sorte de réparation et fut même prévenante et gracieuse pour Jaglon. Elle comparait sa position de femme et de reine avec celle de Marie, sa sœur aînée. Et la sainte trouvait encore moyen de remercier Dieu de lui avoir donné le lot le meilleur. Lorsqu'elle voyait la conduite de Sigismond, qui, loin d'être reconnaissant de la couronne qu'il devait à Marie, lui donnait une rivale dans la comtesse Barbe et la contraignait à la voir près d'elle. Jaglon était du moins fidèle, et sa jalousie ne venait que d'un excès d'amour. Mais Edwige était-elle donc heureuse d'être aimée de Jaglon? Les chevaliers teutoniques, vassaux par serment de la couronne de Pologne, ravageaient ses frontières et portaient le fer et le feu, non seulement en Pologne, mais en Lituanie. Devenu chrétien, ce pays ne devait plus être soumis à ces attaques réitérées des chevaliers teutoniques, et pourtant, les vice-rois que Jaglon envoyait en Lituanie ne pouvaient réprimer l'audace et les tentatives des chevaliers. Jaglon quitta Cracovie et fut lui-même contre les ennemis qui jamais ne pouvaient être vaincus par les généraux qui l'envoyaient contre eux. Il partit et laissa la reine investie de tout le pouvoir souverain. Ce fut alors que l'infortunée comprit l'horreur de sa position. Elle reconnut en ce moment combien elle avait été coupable en donnant sa main, tandis que son cœur était tout à un autre. L'esclavage qu'elle s'était imposé lui fut alors révélé par le bonheur qu'elle ressentit de se voir libre, libre de se dire « Je pourrais donc pleurer sans rendre compte de mes larmes. Je pourrais donc souffrir sans être contrainte à cacher ma douleur sous un sourire. » Sa vie était misérable, et pourtant elle était reine, elle était jeune, elle était belle, sa renommée était célèbre, et dans toute l'Europe, les ménestrels célébraient la beauté de la reine de Pologne. Mais de quel prix était pour elle cette beauté si fameuse? Ajoutait-elle à son bonheur? Que lui importait d'être belle? Souvent, le grand miroir de Venise qui était dans sa chambre réfléchissait son image sans qu'elle le consultât pendant des jours entiers. La vie était décolorée pour elle. Il lui fallait de grands intérêts. Le sort la servit à souhait pendant l'absence de Jaglon. Sigismond, beau-frère d'Edwige, était roi de Hongrie par son mariage avec Marie, l'aînée des filles du roi Louis. La politique de ce royaume était alors le résultat d'intrigues obscures et de diverses chances résultant des événements que chaque jour voyait naître et se succéder rapidement. Edwige prit aussitôt ce prétexte pour sortir de l'inaction qui la tuait en laissant ses souvenirs dominer sa vie. Elle était seule à Cracovie. Sans attendre une réponse qui d'ailleurs ne pouvait être que favorable, Edwige rassemble une armée, monte à cheval, en passent la revue dans les environs de Cracovie et se mettant à la tête des troupes enthousiasmées de voir leur jeune souveraine au milieu de leurs escadrons, elle marche sur la Hongrie en prévenant l'ennemi par une marche et une attaque prompte. Elle n'avait alors que 19 ans. Sa beauté, toujours ravissante, était incomparable dans cette position si intéressante d'une femme bravant le danger et la mort avec l'insouciance du malheur. Il y a dans cette abnégation un charme attractif qui devait être ressenti par un peuple éminemment sensible à la beauté et à tout ce qui est hors des lignes ordinaires de la vie commune. Conduits par elle, les Polonais firent des prodiges de valeur. Dans cette campagne, ils voulaient lui prouver leur amour par une obéissance entière. Aussi, jamais un ordre n'avait besoin d'être donné, pour ainsi dire, il était prévenu. Avec de tels hommes, Edwige comprit qu'elle pouvait tout entreprendre. Elle entra dans la Russie rouge, et sacrifiant le pays où elle était née à sa nouvelle patrie, où l'amour de ses sujets venait de lui donner une seconde vie, Edwige prit d'assaut plusieurs villes que son père, Louis d'Anjou, roi de Hongrie, avait détachées de la couronne de Pologne pour les attacher, comme de beaux joyaux, à celle de Hongrie. Elle prit Yaroslav, Halych, Lemberg, Brzemil et plusieurs autres villes de forteresse que la Pologne conserva jusqu'au jour de sa ruine. À peine remise des fatigues de cette campagne glorieuse, dans laquelle elle affrontait les dangers comme le dernier soldat, elle marche sur la Silésie. Ladislas, duc d'Opella, s'était emparé de plusieurs villes polonaises. Elle les reprend et rend ainsi en quelques mois à la Pologne une portion de la grandeur territoriale reconquise et lui donne une gloire dont le lustre recevait encore plus d'éclat donné de sa main. Ce fut au milieu du délire de joie qu'inspiraient ces triomphes à la nation que Jagellon la trouva à son retour de Lituanie. « Vous êtes un ange, » dit-il à cette femme vraiment remarquable, « vous êtes un ange, et je ne devrais plus vous parler qu'à genoux. Vous ne me regardez plus qu'avec un œil sévère. Vous avez raison, Edwige, je ne vous méritais pas. Qui a pu vous soupçonner est indigne de vous. » Edwige ne répondit pas à ces paroles qui pourtant venaient du cœur, mais la route qui menait au sien était fermée depuis ce qu'avait amené la diète de Wislicka. Elle remplissait les devoirs d'épouse, montrait une grande considération à Jagellon, mais évitait de se trouver seule avec lui pour ne pas laisser naître un moment de confiance. Jagellon s'apercevait de l'intention d'Edwige, et son cœur se brisait car il l'aimait. La malheureuse femme est tout aussi bien à plaindre. Que pouvait-on demander en effet à une jeune et ravissante créature qui ignorait et devait ignorer toujours les joies du cœur? Souvent, dans les moments où le découragement de l'âme suivait un accès de souffrance trop vive, Edwige pleurait sur sa stérilité. « Dieu m'a encore frappé de ce malheur, disait-elle, ma couche est stérile, et je mourrai sans laisser après moi une jeune fleur qui rappelle mon passage sur cette terre de misère. » Sa santé s'altérait, et chaque jour elle sentait en elle se développer un germe de souffrance qui pouvait menacer sa vie. Elle sourit à cette pensée la première fois qu'elle lui apparut, comme à une annonce de délivrance. Un jour, une cause de discussion renaissante fut rétablie entre elle et Jagellon par le favori du roi, comme la chose sera toujours, parce que les favoris des rois n'existent que pour leur malheur et la honte de leur règne. Les exceptions en sont si rares qu'elles peuvent être citées. Cet homme, dont le nom était Spitkov, demanda et obtint ce que les usages et les lois de la Pologne n'avaient jamais permis jusqu'alors. C'était l'investiture de la Podolie à titre de fief perpétuel. Edwige s'éleva contre cette faveur et déclara que jamais elle n'y donnerait son assentiment. « Tant que je vivrai, dit-elle, la Pologne sera maintenue dans sa glorieuse prospérité. Ce n'est pas ma main qui détachera une seule perle de sa couronne. » Son opposition finit par l'emporter et la Podolie demeura ce qu'elle était. Dans ce même temps, Jagellon fut au moment de perdre une partie de la Lituanie par la révolte des seigneurs lituaniens qui se faisaient la guerre entre eux. Et, tout entier à leur querelle, abandonnait les frontières aux chevaliers teutoniques qui ravageaient ce beau pays et menaçaient de l'envahir. Jagellon ne vit de salut que dans la médiation de Edwige et lui demanda comme une grâce de sauver ce pays qu'il avait déjà délivré de l'enfer. « S'ils vous entendent, lui dit-il, ils seront vaincus. » Edwige, quoique souffrante, consentit à ce voyage, quoique dans la saison où elle l'entreprit, les ombrages épais des vastes forêts de la Lituanie donnait un aspect sauvage et triste à tout ce royaume, qui alors était spécialement couvert de bois et d'immenses forêts. Elle y fut cependant avec le roi et travailla aussitôt à rétablir la paix entre les principaux seigneurs lituaniens, qui étaient tellement en opposition entre eux que la guerre civile allait éclater. Edwige demandait à Dieu son secours et commença sa conversion. Sa voix harmonieuse rappela au chevalier la gloire du pays pour laquelle il doit vivre et mourir. Son discours prononcé avec émotion, et une émotion vraie, fit un effet immédiat. Les plus résolus au combat jetèrent leurs armes et coururent dans les bras l'un de l'autre. « Nous ne voulons que notre reine pour juge, » s'écrièrent-ils, « pas d'arbitre, pas de tribunal. Et si nous sommes assez malheureux pour retomber dans le même embarras, jurons de nous en rapporter à notre sainte reine Edwige. » Et quelques jours après, la Lituanie était plus paisible que la Pologne elle-même. Jaglon sentait au cœur une joie mêlée de tristesse en se disant « Cette ravissante créature est ma femme et pourtant je lui suis presque étranger. Je n'ai sur elle que le pouvoir matériel que m'a donné l'anneau qu'elle porte à la main gauche, mais son cœur, ce cœur, base d'élection du ciel, ce cœur ne bat pas à mon approche, tandis qu'il palpite au souvenir d'un passé qu'elle sait lui rendre vivant. Elle ne voit plus cet homme, et que m'importe si elle l'aime toujours ? » La jalousie aveugle quelquefois, mais habituellement elle éclaire et donne une sorte d'instinct qui révèle à l'avance comme une seconde vue. Jaglon, satisfait de voir enfin la paix promise à ses provinces paternelles, voulut les délivrer de la tyrannie des chevaliers teutoniques. Il prépara tout pour leur faire une guerre à mort. Il fallait par humanité même qu'elle fût décisive et sanglante. Les préparatifs furent proportionnés aux intentions du roi et la guerre fut déclarée. Mais les grands de Lituanie demandèrent au roi d'avoir une entrevue avec le grand maître de l'ordre. Le roi y consentit. Edwige, qui connaissait la violence de Jaglon, lui demanda la permission de l'accompagner à Ivanoklov, en Cujavi, lieu indiqué pour l'entrevue. Le roi n'aurait pas osé le lui proposer. Cependant, il avait préparé ce qui pouvait rendre une cour brillante indépendamment de sa sûreté. Aussitôt que tout fut prêt, la cour de Pologne se rendit à Ivanoklov. La reine et le roi étaient accompagnés d'une foule de barons et d'évêques dont les avis devaient être donnés dans la discussion qui aurait lieu. Edwige connaissait le prix de l'importance d'une parole prononcée par une voix imposante au milieu d'une question dont la gravité embarrasse. Il fallait calmer les passions. Il fallait apaiser un juste esprit de vengeance et arrêter une ambition et une volonté de conquête que la force et le talent n'autorisaient que trop. Edwige désirait que cette entrevue fut une source et une origine de paix et d'alliance entre les chevaliers teutoniques et la Lituanie particulièrement, mais dès le premier jour elle s'aperçut que les chevaliers étaient de mauvaise foi. Le grand maître, Conrad de Jungen, fit voir une volonté déterminée de faire une guerre meurtrière. Les commandeurs qui l'avaient suivi parlèrent comme lui. Alors Edwige, qui jusque-là avait gardé le silence, se leva du trône sur lequel elle était assise, et regardant avec indignation ces hommes de sang et de rapine qui déshonoraient le beau nom de la chevalerie. « Jusqu'à ce moment, leur dit-elle d'une voix sévère, j'ai prié et j'ai demandé moi-même à monseigneur et roi de vous traiter avec bonté et surtout de ne pas tirer l'épée hors du fourreau. Je l'avoue, j'ai horreur du sang et surtout du sang chrétien. Mais puisque notre bonté vous fait oublier votre devoir, c'est à nous de vous le rappeler. Ne savez-vous plus, sire chevalier de Jungen, que vous avez juré fidélité au roi de Pologne et que vous avez reconnu votre vassalage? Vous êtes nos sujets. Vous relevez de nous. Vous êtes vassaux de la couronne de Pologne et vous êtes en rébellion contre elle. Vous vous soulevez contre vos bienfaiteurs, car les rois de Pologne l'ont toujours été. Vous leur avez juré fidélité et vous les combattez. Vous vous dites homme de Dieu, ecclésiastique, et vous pillez les villages. Vous ravagez le pays comme des brigands, comme les Tartares qui forment les hordes qui habitent le désert. Et ce sont des hommes, des chrétiens, qui agissent ainsi. Dieu vous en punira. Vous refusez la paix que je vous offre aujourd'hui. Vous rejetez mes offres. Vous verrez le résultat de votre obstination. Tant que je vivrai, j'empêcherai la guerre à force d'efforts, parce que le sang qui coule sous vos lances et sous celle de mes soldats est un sang chrétien. Mais lorsque Dieu m'aura retiré de cette terre, ajouta-t-elle avec un mélancolique sourire, et regardant au ciel comme pour remercier Dieu de cette délivrance, quand je serai morte, alors vous regretterez de m'avoir repoussée. Je voulais aujourd'hui, pour la gloire de l'Église, vous convaincre, mais vous êtes endurci et vous serez puni. Dieu châtie les hommes féroces qui font couler le sang injustement, et quand Dieu vous paiera le prix mérité de votre indigne conduite envers lui, il y joindra le châtiment de votre ingratitude et de votre cupidité. » La jeune sainte souveraine parlait ainsi d'un ton ferme à ces hommes qui méconnaissaient en elle la femme inspirée par l'Esprit-Saint. elle leur prédisait l'avenir. Et lorsqu'après sa mort prématurée, Jaglon porta la gloire de la vengeance dans le cœur de l'ordre, il le frappa si rudement qu'il ne se relâ jamais depuis les victoires mémorables de Tannenberg et Grünberg. Conrad Jungen et les chevaliers admiraient cette jeune femme si délicatement formée et dont la bouche rosée articulait des paroles dont la sagesse profonde eût été approuvée par la tête blanche du plus habile publiciste de son temps. Mais ils ne se laissèrent pas convaincre cependant par elle, et le malheur qu'elle leur prophétisa devait un jour les en punir. Edwige retourna à Cracovie. Elle aimait sa chère Pologne. Elle aimait d'ailleurs ce palais où chaque pas lui retraçait un souvenir heureux. Elle revivait dans le passé et le ranimait au fond de son cœur. Plus elle avançait dans la vie, plus elle voyait combien le bonheur qu'elle avait repoussé était le seul selon son âme aimante. Elle souffrait d'une douleur dont elle ne pouvait se plaindre, et cet état la tuait lentement. Entièrement occupée des soins de son royaume et du gouvernement qu'elle dirigeait comme celui d'une grande famille, elle donnait à cette occupation tout le temps de la première partie du jour, mais ensuite elle était seule. Entre elle et Jaglon, il y avait peu de ces rapports intellectuels qui remplissent les moments où deux êtres qui s'aiment sont ensemble. L'éducation première du roi ne lui avait donné que ce qui est nécessaire pour cette vie d'intérieur à laquelle Edwige était accoutumée. L'étude, l'aumône et la prière remplaçaient les occupations plus sérieuses. Renfermée dans son oratoire pendant des heures entières, elle y priait avec une ferveur de sainte, pour obtenir de Dieu le pardon de cet amour qu'elle ne pouvait éteindre dans son cœur, et pour avoir de sa bonté une faveur qu'elle lui demandait chaque jour avec larmes. Un enfant. Voilà bientôt le moment où je quitterai le sillon que vous m'avez donné à labourer, mon Dieu, et je laisserai mon ouvrage inachevé, sans qu'une main reçoive de la mienne le soc de la charrue. Mon Dieu, faites que je connaisse les douceurs infinies d'un amour de mère. Pieuse comme un ange, Edwige s'occupa dans un moment de tranquillité qu'eut alors le royaume, d'un objet dont l'exécution devait attacher à son nom une gloire immortelle. Elle fit faire sous ses yeux la première traduction de l'Écriture sainte en polonais. Ainsi que les pères de l'Église et les villes les plus remarquables des saints et des pères du désert. Elle aimait à lire les révélations de sainte Brigitte, les écrits de saint Augustin, saint Bernard, et surtout saint Ambroise, dont l'esprit plus sérieux et moins romanesque peut-être traitait plus convenablement les hautes matières de la religion, et se trouvait ensuite plus à portée des esprits convertis nouvellement. L'archevêque de Milan avait converti lui-même bien des incrédules et des rhéteurs obstinés. Edwige le fit traduire et répandre en profusion dans les provinces de la Lituanie, où les esprits, encore incertains, avaient besoin d'être soutenus dans leur changement de croyance. La sollicitude d'Edwige pour ces nouveaux chrétiens remplaçait pour elle la tendresse active qu'elle aurait versée sur un enfant si le ciel lui en avait accordé un. La douleur intérieure et inconnue qui détruisait sa vie lui paraissait criminelle, et les plus sévères pratiques étaient employées par elle comme expiation. Elle portait un cilice pendant le carême, et sa peau délicate saignait souvent, sous la pointe acérée d'un clou ou le fouet d'une discipline. Pendant l'Avent, elle jeûnait avec la même rigueur et l'observance aussi ponctuelle que la carmélite la plus austère. Un jour, Thérèse, ne voyant pas revenir sa maîtresse après 2 heures de retraite, se hasarda à pénétrer dans son oratoire. Il était nuit, c'était l'hiver, et le vent sifflait aigrement dans les longues galeries du palais. Thérèse fut saisie de crainte en trouvant l'oratoire désert. La porte de la travée donnant dans la cathédrale était ouverte. Thérèse y entra, et ne voyant pas davantage sa maîtresse dans la travée, elle se hasarda à descendre dans l'église, dont la vaste étendue était à peine éclairée à 7 heures de la journée, par la lampe du tabernacle et celle en argent massif qu'Edwige avait consacrée à la chapelle du Christ. La fidèle Angoise, inquiète pour sa maîtresse, et attirée vers elle par cet instinct du cœur qui ne trompe jamais, Thérèse parvint enfin à la découvrir dans cette chapelle. Elle la trouve étendue sur la terre, engourdie par le froid glacial de la pierre tumulaire, sur laquelle elle était tombée à la suite d'une longue méditation, épuisée par le jeûne et les larmes qu'elle avait versées. Ce jour était un funeste anniversaire pour elle. C'était le 12 février. Bien des années s'étaient écoulées sur cette première journée où Edwige avait jeté son voile sur le Christ, sur ce symbole d'espérance et d'amour pour tous les cœurs chrétiens. Les années avaient succédé aux années et chaque anniversaire avait trouvé la place toujours saignante. le matin de ce dernier jour, Edwige, irritée contre elle-même de la rébellion de son cœur, serra d'une main assurée la boucle de fer et vit avec joie l'albâtre de son corps se teindre de la pourpre de son sang. C'est ainsi qu'elle fut entendre l'office du soir dans sa travée. Puis, lorsque l'église fut déserte, elle descendit seule et affligée, et fut mettre au pied du signe de rédemption la victime offerte au Seigneur pour expiation de cet amour qu'elle ne pouvait et ne voulait peut-être pas arracher d'un cœur dont il était l'âme. Revenue à elle-même, Edwige demanda à Thérèse s'il n'y avait personne dans l'église lorsqu'elle l'avait reconnue, et sur la réponse affirmative de la jeune fille qu'elle était entièrement seule, Edwige soupira et lui dit « Ne parle pas même à ton frère, me le promets-tu ?» La fidèle hongroise reçut à genoux la main de sa maîtresse et lui jura un secret absolu. « Et pourtant je ne suis pas coupable, mon Dieu, » dit Edwige, en levant au ciel ses mains blanches et amaigries, semblables à deux mains d'albâtre. « Je ne suis pas coupable, et pourtant je me cache. Je fais un secret de ce qui devait être ma gloire et mon bonheur. » La santé d'Edwige, déjà fort altérée, reçut un choc violent de la mort de Marie, sa sœur aînée. Marie était douce et bonne. Elle était comme Edwige un ange de piété et de vertu. Mais ce rapport était le seul entre les deux sœurs. Marie était laide et son esprit ordinaire. Elle n'était que bonne et pieuse et résignée à son sort, qui fut de souffrir toujours pendant le peu d'années que dura son pèlerinage. Sigismond ne plaisait pas à la nation hongroise. Il était brave cependant, et ses qualités pouvaient lui donner des droits au trône que sa femme lui laissait. Mais la renommée d'Edwige, de cette jeune fille qui partit si belle et si adorée de cette même Hongrie, qui déjà à cette époque, devinant par avance ses hautes destinées, voulait la garder dans sa véritable patrie pour y donner et recevoir le bonheur. Ses souvenirs revinrent en foule à la mort de Marie. Le nom d'Edwige sortit par acclamation de toutes les bouches, inspiré par tous les cœurs. Une députation fut désignée et la Hongrie demanda Edwige pour sa reine. Sigismond, en apprenant cette nouvelle, ne perdit pas un moment pour conjurer l'orage. Il prit aussitôt la route de Cracovie et prévint par la sienne l'arrivée de l'ambassade hongroise. En voyant l'agitation inquiète de son beau-frère, Edwige se confirma dans sa première pensée qui était un refus. Elle aimait trop d'ailleurs sa chère Pologne pour abandonner cette terre qu'elle-même avait rendue fertile et où elle était adorée. Elle promit donc sans peine à son beau-frère de répondre par un refus à la demande des Hongrois. Edwige fut malheureuse de cette circonstance en dehors de sa nouvelle vie, qui la reportait dans un passé qu'elle voulait frapper de mort. Jaglon, qui sentait par contre-coup la souffrance d'Edwige, redevint soucieux et malheureux aussi, et avec tous les éléments d'une existence heureuse, l'un et l'autre souffraient sans espoir de soulagement à une peine qui, pour Jaglon, avait le supplice d'une jalousie inquiète et impossible à détruire, puisqu'il était jaloux d'un soupir et d'un souvenir. Et pour Edwige, il y avait toute l'amertume d'un devoir trahi, sans le contentement du cœur pour balancer le remords d'une conscience trop délicate. Edwige, pour faire trêve à cette continuelle agitation qui brûlait son sang et lui donnait de sinistres pensées, Edwige entreprit de faire fleurir les arts et les sciences en Pologne. Elle fonda des collèges, en rétablit d'autres, notamment celui de Casimir, fondé autrefois par Casimir II, sous le nom de Collège Général. Un nouveau fut établi par elle, et sous son nom, à Prague, en 1397. Elle le dota richement et l'affecta spécialement à l'éducation des jeunes gens lituaniens. Elle fit surtout à cette époque beaucoup de fondations religieuses. Il lui semblait entendre quelquefois une voix qui l'appelait, lorsqu'elle était en prière au pied du crucifix voilé. « Dieu m'appelle, » disait-elle à Thérèse, « je ne suis pas pour longtemps avec toi, ma fille, prie pour moi. » Elle aimait avec passion la musique d'église. Elle s'occupa du soin de donner à la cathédrale de Cracovie une musique qui devait, selon son vœu, donner l'idée de celle des anges autour du trône de Dieu. Un collège, uniquement destiné à l'éducation de 16 jeunes gens voués à l'église et devant savoir chanter l'office avec toute la perfection dont l'époque était capable. Ce collège fut doté par la reine elle-même et en activité dès la seconde année de sa fondation. Si je parle avec quelques détails de ces particularités qui peuvent paraître inutiles, c'est que je veux donner une idée bien exacte de la femme dont j'ai tressé le portrait. Il n'eût été qu'une esquisse informe sans ces détails qui achève de mettre la couleur sur le trait. La femme qui, à 16 ans, peut sacrifier un amour qui est sa vie pour sauver celle de l'homme qu'elle aime, La femme qui par piété et vertu peut laisser le bonheur d'amour à 16 ans, la femme qui peut ensuite, le cœur toujours brûlant de ce même amour, observer ses devoirs, s'occupant de graves matières telles que celles que je viens de citer. Une telle personne est-elle hors de la ligne, même habituelle des femmes distinguées, que pour la faire bien comprendre, il faut employer toutes les couleurs qui doivent colorer une si belle figure. La réunion si rare de tant de charme à tant de qualités solides, de la beauté et de la piété, de l'esprit et de l'agrément, la rendit célèbre dans toute l'Europe, et ses portraits furent demandés avec une avide curiosité dans les cours de tous les princes chrétiens. Le pape Boniface IX lui écrivit une lettre lorsqu'elle n'avait encore que 20 ans, pour la remercier de son dévouement à l'Église romaine, et lui renouvelant des offres de services d'autant plus remarquables qu'il lui dit « Je conçois que votre charité infinie vous fait donner des recommandations pour notre cour de Rome, au-delà peut-être de ce que nous pouvons faire. Mais comme je veux vous être agréable, ma chère fille, il faut convenir ensemble d'un signe particulier qui voudra dire que vous vous intéressez plus intimement à se protéger qu'à celui qui n'est porteur d'aucun signe. Je vous promets d'accorder toujours ce que vous aurez désigné plus spécialement, en rapportant cet effet à votre prudence, si rare à votre âge, etc. » Cette lettre est des plus extraordinaires si l'on veut surtout se reporter à l'époque où elle fut écrite. Un pape accordait une sorte de chiffre d'intimité à une jeune reine de 20 ans et s'engageait à lui accorder sa demande parce que, dit-il, il s'en rapporte à sa haute prudence. Cette particularité acheva de faire connaître Edwige dans l'Europe chrétienne.